Bonsoir Joël Gaillot, bonsoir à toutes et à tous. Il est 21h sur France Culture, théâtre et compagnie. Ce soir, Voix de femme à l'Odéon, Théâtre de l'Europe. Depuis 2 ans, France Culture, l'Odéon Théâtre de l'Europe et le Monde des Livres s'associent pour proposer au public et aux auditeurs Voix de femmes, c'est-à-dire la rencontre sur le grand plateau du Théâtre de l'Odéon à Paris d'une femme écrivain et d'une actrice. Après Yasmina Reza, Emmanuel DeVos, Elisabeth Badinter et Nathalie Richard, Julia Kristeva et Isabelle Huppert, Marilyn Desbiol et Emmanuel Béard, Chantal Thomas et Nathalie Dosset, et enfin Catherine Millet et Isilde Lebesco, c'est un nouveau duo que nous avons formé ce lundi 2 février avec Lynne Dallé et Carole Bouquet pour un enregistrement en public. Carole Bouquet a lu des extraits de Par ailleurs, Exil, une méditation littéraire composée par Lynne Dallé sur les figures de l'exil, un livre paru tout récemment aux éditions Bourgois. Et puis Jean Birnbaum s'est entretenu en public avec la romancière. Lynne Dallé est publiée par les éditions Christian Bourgois. Elle écrit des essais, comme celui dont nous entendrons des extraits ce soir, mais aussi des romans, et le tout dernier, publié donc chez Bourgois, s'intitule « Œuvre vive ». Elle est née au Vietnam et est arrivée en France avec sa mère à l'âge de 14 ans. Après avoir vécu dans une cité de transit au Havre, elle a obtenu une bourse pour entamer des études littéraires. Elle est devenue écrivain, elle est l'auteur d'une vingtaine de livres. Nous retrouvons tout de suite sur le plateau de l'Odéon, Théâtre de l'Europe, Lynne Dallé et Jean Birnbaum pour l'ouverture de cette soirée. Je laisse la parole pour commencer à Jean Birnbaum. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe de France Culture. Merci à toutes et à tous, surtout d'être venus aussi nombreux pour cette nouvelle séance des Voix de femmes, notre cycle avec le Théâtre de l'Europe, l'Odéon et France Culture. On est ravis au Monde des Livres d'organiser ce cycle depuis donc 2 ans. Et les textes qui vont être lus de vous ce soir s'intitulent donc, c'est extrait de ce livre, s'appelle « Par ailleurs, Exil ». C'est un livre, comme son nom l'indique, comme son titre l'indique, qui parle de l'exil, de ces dépenaillés de l'existence, comme vous les appelez. Mais je voudrais que vous nous disiez en quelques mots, Linda, que vous introduisiez un peu ces textes avant que Carole Bouquet les lise devant notre public. Bonsoir, oui, ce sont des textes d'hommage à des écrivains qui m'ont accompagnée depuis des années. Comme vous l'avez dit, ce sont des textes autour du thème de l'exil, mais c'est aussi bien le thème de l'exil de ceux qui ont quitté leur pays que l'exil de ceux qui n'ont peut-être pas bougé de chez eux, mais qui sont des émigrés de l'intérieur, de ceux qui ont fait sécession, en quelque sorte. Il y sera question aussi bien de Suran et aussi de Marina Svetayeva et d'Antonin Artaud, que vous citiez tout à l'heure. Ces deux derniers poètes, Marina Svetayeva et Antonin Artaud, ce sont des poètes que connaît bien Carole Bouquet, puisqu'elle a donné à entendre des lectures de leurs textes il y a quelques années. Donc vous devez encore avoir en mémoire ce qu'elle a lu de ces deux très grands esprits. On se retrouve tout à l'heure pour un entretien avec Lynne Dallé. Et mesdames, messieurs, donc maintenant, place au texte, place à la grande, à la magnifique Carole Bouquet, et on l'applaudit. Merci beaucoup. On n'habite pas un pays. On habite une langue, une patrie. C'est cela et rien d'autre. Cette célèbre phase de Cioran pourrait tenir lieu de profession de foi à bien des apatrides qui ont subi la terrible mais exaltante épreuve de l'exil, et pour certains, ont changé de langue, se mettant dans la position d'un renégat poursuivi par ses origines, mais à ce point subjugué par son idiome d'emprunt qu'il vit un perpétuel cauchemar, partagé entre le besoin de renier sa langue, de rompre avec ses ancêtres, avec ses souvenirs, peut-être avec lui-même, et la recherche incessante d'un port d'attache, si illusoire soit-il. Il s'émancipe en écrivant dans une langue étrangère, même si cette libération ne va pas sans une espèce de rite d'initiation où il se trouve soumis à un supplice. Il doute de sa capacité à innover en matière de langage, de son habileté à traduire en mots affinés le feu intérieur. Cette langue qu'il a adoptée est pour lui comme une camisole de force. Malgré lui, il se surveille, il a la superstition du bon usage, le souci de surpasser l'indigène. C'est une véritable bataille qu'il livre chaque jour devant sa feuille blanche pour n'être pas un prophète foudroyé par la grammaire et faire exploser les formes consacrées. Cioran avait commencé à écrire en français à l'âge de 37 ans. Il avait franchi le pas en sachant que s'obstiner à se rendre maître d'un nouvel idiome relevait de la gageure. L'entreprise était délicate. Il ne cachait pas que c'était même un martyr, mais un martyr fécond. Il se revigorait par le verbe. Une langue est un continent, un univers, et celui qui se l'approprie est un conquistador. La patrie, disait encore Cioran, trouve dans la langue une amarre, un fondement. Lui-même s'était fixé comme règle de ne pas s'enraciner, d'être un exilé en soi, jamais d'ici, mais toujours à des années-lumière de ce qui cantonne ses prochains dans les limites du raisonnable. Il magnifiait ses brûlures et ses défaites en vivant à même la langue, en lui gardant une saveur de chair et de sang. Son tempérament balkanique s'accordait mal avec la rigidité du français, fait selon lui pour les juristes et les logiciens. Il se sentait contraint, crispé quand il s'attachait à rendre ce qui jaillissait de ses entrailles. Il rêvait d'une langue dont les mots, comme des poings, fracasseraient les mâchoires. Il préférait le blasphème aux considérations mesurées, une réflexion issue d'un transport sensuel ou d'un effondrement nerveux aux méditations rationnelles. L'exil est l'extrémité de l'état poétique. Il permet d'accéder au vertige, d'atteindre à la sèse. Mais une menace plane sur le poète déraciné. S'il s'accommode de son état, s'il se plaît même à être ce qu'il est, il court le risque de s'engourdir, de laisser se refermer ses plaies, de perdre le bénéfice de son splendide isolement en s'établissant dans l'exil, cité du rien, patrie à rebours. Marina Tsetaeva, un poème intitulé « Tentative de jalousie ». Comment ça va la vie avec une autre ? Plus simple, n'est-ce pas ? Rame claquée. Sait-il vite le profil de la côte ? Le souvenir sait-il vite masqué ? Deux mois, île désamarrée. Voguant de par le ciel, non sur les flots. Âme, jamais amante ne serait. Sœur, vous serez. Sœur, vous, c'est votre lot. Comment ça va la vie près d'une femme simple? C'est comment, sans divinité, votre souveraine, prince profane, détronate, le dit trône quitté? Comment ça va la vie, les froissidèles? les tracas. Le lever, comment se passe ? Pauvre créditaire de l'immortelle médiocrité, comment faites-vous face ? Tressauts et syncopes, stop, je suis quitte. Un toit me louerait. Suffit le déluge. Comment ça va avec n'importe qui ? Dites, comment ? Quand on est mon élu. Comment ça va vivre ? Comment va-t-elle la force d'être ? Et de chanter ? La force ? Pauvre, la blessure de l'immortelle conscience, comment y faites-vous face ? Comment ça va la vie près d'un produit de pacotille ? Un peu abrupt, le prix ? Les marbres de Carrare reconduits, comment ça va la vie près d'un débris de plâtre ? Taillé dans la masse même, Dieu sa tête presque aussitôt détruite. L'or de pacotille vous intéresse encore ? Là, des grâces magiciennes, comment ça va auprès d'une terrestre ? C'est comment une femme sans sixième sens ? Bon, la tête entre deux mains. Heureux ? Non ? Des fonds sans profondeur étant l'hôte. Comment ça va, l'ami ? Plus douloureux, moins douloureux que pour moi près d'un autre ? La devise de Marina Tsetaeva était « Seule contre tous ». Sifflée par le sceau et risée du Philistin. Elle disait n'être d'aucun cercle, littéraire ou politique, d'aucun camp, car elle était toujours du côté du plus faible, d'aucun parti, car elle vivait, agissait et travaillait seule, et pour les êtres seuls. Elle affirmait être essentiellement une frondeuse, enterrée vivante parce qu'elle n'entrait pas dans le jeu social, parce qu'elle était une écorchée qui n'avait pas, comme les autres, une armure, des amitiés, des distractions, une écorchée qui était exclue de naissance, qui, en tant que femme, était impensable. Mais en tant que poète, savait qu'il ne s'agit pas du tout de vivre et écrire, mais de vivre, écrire. Et écrire, c'est vivre. Malgré l'extrême dénuement qu'elle avait connu durant ses 17 ans d'exil, elle était restée une indomptable, poète prolifique, consciente de faire œuvre durable, et certaine que s'il y avait un jugement dernier du Verbe, alors, à ce moment-là, il lui serait rendu justice. De retour dans sa patrie, elle subsistait vaille que vaille en faisant des traductions. Elle s'accrochait encore, les premiers temps, à l'idée que sa création la sauverait. Mais elle avait de plus en plus de mal à faire face. Elle partait lentement à la dérive. Et le 31 août 1941, évacuée avec son jeune fils à Elabouga, un village perdu de la République tatare, elle était à ce point acculée, elle se sentait à ce point dans l'impasse qu'elle mit fin à ses jours en laissant ces quelques mots « Pardonnez-moi, je n'ai pas supporté ». Elle était toujours allée à rebours de son époque, dans un monde où l'on mettait les rêves en conserve. Dans un monde de mesures, elle était, disait-elle, un être tout des deux mesures. Refus d'être, de suivre, asile des non-gens. Je refuse d'y vivre avec les loups régents. Paul Celan, qui avait eu l'intention de la traduire en allemand, lui avait consacré un poème portant en exergue ce vers d'elle, les poètes sont des juifs. Des juifs, c'est-à-dire des proscrits qui n'ont cure de leur siècle, des errants privés de tout point d'attache, des faiseurs de signes, selon la définition de Rilke, pour qui la vie ne commence pas à prendre sens et poids qu'en étant transfigurée dans l'art. À 20 ans déjà, Tsetaeva saluait ceux qui, comme Giordano Bruno, étaient morts pour un mot libre, ceux qui étaient, comme elle, une source intarissable d'hérésie, ceux qui se déchiraient et dont chaque livre était un livre de séparation et de déchirure, ceux qui étaient à la recherche d'alliés n'ayant pas, eux non plus, une place dans le monde contemporain, ceux qui brûlaient d'un feu secret, expression de Bloch, qui est, selon elle, la clé de voûte de son âme et de toute sa poésie lyrique. Tout poète est au fond un émigré, même en Russie, un émigré du royaume des cieux et du paradis terrestre de la nature. Le poète, toute personne du monde de l'art. Mais le poète, plus que tout autre, porte l'empreinte de l'inconfort, à quoi l'on reconnaît le poète même dans sa propre maison. Un émigré de l'immortalité dans le temps, un expatrié de son ciel à lui, écrivait-elle dans Le Poète et le Temps. Lorsqu'elle publiait ses premiers poèmes déjà, elle n'ignorait pas qu'il lui était difficile de supporter le quotidien, pour elle étouffant, irrespirable. En 1926, elle confiait à Boris Pasternak que sa rupture d'avec la vie devenait de plus en plus irrémédiable, car elle était d'une sauvagerie démesurée. Elle se cognait la tête contre les murs, elle n'avait rien, mais quand elle couchait sur le papier ses poèmes, elle avait conscience de collaborer avec des forces supérieures, d'être tout. Et pourtant, dans son exil en France, elle était de plus en plus isolée. Les cénacles parisiens l'ignoraient. Chez les Russes de l'immigration, elle était l'objet d'une incompréhension croissante. Les Blancs la rejetaient parce qu'elle portait Maïakovski au nu et parce que son mari avait fini par se tourner vers la Russie des Rouges. Les défenseurs des Soviets voyaient en elle une contre-révolutionnaire à cause de son poème « Le camp des cygnes » à la gloire de la Garde Blanche. Pour la presse dite de droite, sa poésie était trop d'avant-garde. La presse dite de gauche déplorait qu'elle soit trop peu engagée parce qu'elle ne donnait pas dans une littérature un message, parce qu'elle refusait de faire partie d'un groupe, d'être rangée dans telle ou telle catégorie. Elle n'était acceptée nulle part, elle œuvrait en n'ayant aucun soutien. Dans sa patrie, elle était un poète sans livre, en France, un poète sans lecteur. Exilée à Paris, avec le sentiment que personne n'avait besoin de ce qu'elle faisait, ni dans sa terre natale, ni dans son pays d'adoption, elle notait en 1931 « Tout me refoule vers la Russie, où je ne peux pas aller. Ici, je suis inutile. Là-bas, impossible. » Elle n'était pourtant pas la proie de la nostalgie, ce mal démystifié de longue date. Elle ne faisait pas d'illusions sur l'accueil qui lui aurait été réservé chez elle. Elle, qui aurait désiré revenir à Moscou en hôte attendu, savait que dans la nouvelle République socialiste, on l'aurait bâillonnée. Dans l'ordre des choses d'ici, je suis le désordre des choses. On ne l'aurait pas publiée en Russie, mais elle aurait été lue. En France, elle était publiée par les journaux de l'immigration, qui d'ailleurs rechignait de plus en plus à faire entendre sa voix, mais elle n'était pas lue. Même lorsqu'elle faisait des lectures publiques de ses poèmes, elle avait l'impression de ne pas trouver d'écho. Il se murmurait qu'elle avait des sympathies tsaristes, ou au contraire qu'elle s'était, comme son mari, convertie au stalinisme. Sa poésie amoureuse était taxée par d'aucuns de pornographie. Gorki, persona grata de la République soviétique, la traitait d'hystérique. Seul Boris Pasternak et Rilke ne se trompaient pas en la plaçant parmi les poètes de génie. Elle ne parlait que d'elle-même et de ce qui la meurtrissait, que ce soit la fin d'une liaison sentimentale ou l'invasion de la Tchécoslovaquie par les nazis, que ce soit son existence en marge ou ses peines et ses joies d'étrangère vouant un véritable amour à tous les étrangers qui n'étaient pas, clame-t-elle dans Le Chinois, une camaraderie de malheur entre gens mal à l'aise en exil. Elle était naturellement portée à prendre intérêt aux choses qui venaient d'ailleurs. Elle avait, disait-elle, une passion pour chaque pays comme s'il était l'unique. C'est cela, mon international, non pas la troisième, mais l'éternelle. Elle n'était pas de son siècle. Elle se disait née pour la solitude magnifique, peuplée d'ombres héroïques, portant la Russie à l'intérieur d'elle-même, si bien que cette dernière était à jamais présente dans sa mémoire. Je suis, en esprit, c'est-à-dire par l'air que je respire et par l'envergure, là-bas, vers là-bas, de là-bas. Ce là-bas n'était pas forcément sa patrie, c'était aussi ce qui lui permettait de n'appartenir à aucun lieu, d'être toujours libre, absolue en tout, jusqu'à être aussi une exilée dans les relations amoureuses. Elle vivait ce qu'elle appelait des idylles cérébrales. Elle était une amante de l'amour, terrestre ou céleste, qui projetait en l'autre sa rage d'aimer. Je n'ai jamais laissé à personne le droit de choisir. C'était tout ou rien. Mais dans ce tout, comme dans le chaos originel, il y avait tant que rien d'étonnant à ce que l'autre y sombre, se perde et pour finir, me perdre. Poète des desseins secrets, elle disait n'aimer que l'adieu et non la rencontre, la rupture et non l'union. Elle engrangeait tout afin que dans des millénaires, le grain germe. Elle volait à une altitude hors de portée pour beaucoup, où elle descendait dans les souterrains et nouait un dialogue avec ceux qui se soustrayaient à l'entendement de la plupart. Je n'écris pas parce que je sais, mais pour savoir. Incomparable Marina Tsetaeva, aux veines de feu, disait Boris Pasternak, avec qui elle avait entretenu une correspondance d'une quinzaine d'années. Sténographe de lettres, elle avait porté à incandescence une poésie en laquelle peut se reconnaître tout émigrant dans l'âme. Marina Tsetaeva n'est pas seulement un écrivain de l'avenir, n'ayant que défiance pour l'ici. Elle est la Cassandre, forte d'une infaillible science des choses humaines, la sœur de tous les désemparés, le porte-étendard des esselés qui échappent à toute emprise, l'incarnation même d'une poésie d'éternelle vaillance, comme elle le dit à propos de Pasternak, une poésie à la fois tragique et lumineuse, sans concession, car intrépidement séditieuse, une poésie où tout est porté au paroxysme, où une froide lucidité le dispute à la fougue d'une exilée qui s'est, contre vents et marées, bâti une maison de mots. Thank you. Antonin Artaud n'était le porte-parole de personne. Il ne parlait qu'en son nom propre et il était un vrai rebelle. Et pourtant, il se pourrait qu'aucun créateur ne représente aussi bien certains dépenaillés de l'existence dont il est question dans cet essai. Et la conclusion naturelle d'un tel livre voudrait sans doute qu'on adresse un salut à celui qui disait dans « Histoire vécue d'Artaud Momo » Il y a une chose qui n'a cessé de bouillir en moi depuis que je suis au monde. Cette chose est l'idée du sort infligé par la machine, cette sempiternelle anonyme machine appelée société, à tous ceux qui ne pensent pas comme elle et qui, ça et là, à travers et depuis l'histoire, ont tenté de faire tomber le cadre et qui en sont morts. 9 ans d'internement, 3 ans d'empoisonnement, 2 ans d'électrochoc. Le bilan que fit Artaud en écrivant Artaud Momo était qu'il y avait contre lui des envoûtements assez forts pour le retenir 9 ans prisonnier. L'autre bilan qu'il fit était qu'il avait toujours eu une vie bizarre, anormal, hors cadre. Dans Histoire vécue d'Artaud Momo, il rappelle que ses frères se nomment Nerval, Poe, Baudelaire, Nietzsche. Comme eux, il ne veut pas être pour ses lecteurs un poète qui dégage ses plaintes dans un livre, et puis quand il sera mort, on les recueillera, on s'en servira comme d'un tremplin de révolte qui ne dépassera pas les pages d'un futur bouquin. Artaud pensait que Dieu est la reine des crapules. Il avait au moins une dent contre la société, car il se commet tous les jours plus d'un crime social où tout le monde, disait-il, a trempé le doigt ou le cil d'une paupière. Tous complices, tous coupables de piler au mortier celui qui refuse de courber les chines. Lire Artaud, c'est aussi se demander à quel point on a pu être pusillanime et pourquoi on s'est allié avec ceux qui contribuent à perpétuer un monde livré au mimétisme embourbé des siècles. Le lire, c'est se ranger du côté de ceux qu'il appelait les discrédités du verbe, faire sienne sa déclaration d'intention. Ma déraison lucide ne redoute pas le chaos. Et partir en guerre contre les pensées cadenassées, faire entendre le cri même de la vie en ne perdant jamais de vue que le véritable savoir vient du plus profond, du plus obscur. Mon esprit s'est ouvert par le ventre et c'est par le bas qu'il entasse une sombre et intraduisible science pleine de marées souterraines, d'édifices concaves, d'une agitation congelée. L'œuvre d'Artaud tout entière est aussi une protestation contre la culture rationaliste et une tension vers ce qui, en chacun, s'élève contre les simulacres, les idées fossiles, les caricatures de la vie, lui-même ne concevant pas la pensée sans souffrance, l'œuvre, s'il en est une, n'étant que déchet de lui-même. Et je vous l'ai dit, pas d'œuvre, pas de langue, pas de parole, pas d'esprit, rien, rien, sinon un beau pèse-nerf. Il disait être un écrivain insurgé, auquel la France bourgeoise avait fait subir un sort honteux, avoir tout tenté pour sortir de ce monde puant et en finir avec ce monde puant. Lettre de Rodez du 17 septembre 1945. Il se rangeait parmi les affamés, les malades, les empoisonnés, les suppliciés du langage. Il n'est que de lire les cahiers d'Ivry pour s'apercevoir que l'écriture, même fragmentaire, et ce qui maintient Artaud en vie, dans une société dont le but est avant tout de supprimer les différences, dans une société qui a failli avoir sa peau, il n'a eu d'autre choix que de crier chaque jour sa révolte. Il plonge, dit-il, 100 000 fois par jour en lui-même par le simple fait qu'il cherche une attitude nouvelle, pour aller de l'avant en cherchant un totem neuf, sans verser dans la ratiocination, logomachique, grammaticale, des initiés. Il ne concevait d'autre façon de vivre que dans le surpassement, surclassement, de la douleur, par la douleur, du paroxysme, par le paroxysme, notait-il en avril 1947 dans le cahier d'Ivry. Il était passé par des épreuves insensées. Il était, tout comme Pavès, un étranger radical. Ses écrits témoignent de sa révolte, intacte malgré les tentatives de musellement dont la société s'était rendue coupable à son égard. Il était resté jusqu'au bout l'opposant, quel que soit le prix qu'il devait payer. Il a écrit en 1946 un texte qui s'appelle « La maladie et les médecins ». La maladie est un état, la santé n'en est qu'un autre, plus moche. Je veux dire plus lâche et plus mesquin. Pas de malade qui n'ait grandi, pas de bien portant qui n'ait un jour trahi pour n'avoir pas voulu être malade comme tel médecin que j'ai subi. J'ai été malade toute ma vie et je ne demande qu'à continuer. Car les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédences petites bourgeoises de « la bonne santé suffit ». Car mon être est beau, mais affreux. Et il n'est beau que parce qu'il est affreux. Affreux. Affre. Construit d'affreux. Guérir une maladie est un crime. C'est écraser la tête d'un môme beaucoup moins chiche que la vie. Le lait sonne. Le beau se tait. Et il faut aimer l'affre des fièvres, la jaunisse et sa perfidie, beaucoup plus que toute euphorie. Alors la fièvre chaude de ma tête, car je suis en état de fièvre chaude depuis 50 ans que je suis en vie, me donnera mon opium, cet être, celui, tête chaude que je serai, opium de la tête aux pieds, et opium de père en fille, fille donc qui va de père en fils. Il faut qu'il t'en revienne, la poudre, quand tu auras bien souffert, sans lit. C'est ainsi que je considère que c'est à moi, sempiternel malade, à guérir tous les médecins, nés médecins par insuffisance de maladie, et non à des médecins ignorants de mes états affreux de malade, à m'imposer leur insulinothérapie. Santé d'un monde d'avachi. Antonin Artaud. Vous écoutez France Culture, Voix de femme à l'Odéon, Théâtre de l'Europe. Carole Bouquet lisait des extraits de Par ailleurs, Exil de Line Dallé. Tout de suite, Jean Birnbaum du Monde des Livres s'entretient avec Line Dallé. Alors, rebonsoir à toutes et à tous. Rebonsoir, Line Dallé. On est ravis de vous accueillir dans le cadre de ce cycle Voix de femme. Et je vais commencer par une question que j'aime toujours poser juste après qu'on ait entendu les textes retentir, qui est votre rapport à l'écoute et à l'écoute de la lecture. Vous êtes vous-même une grande lectrice, non seulement au sens où vous lisez beaucoup, mais surtout au sens où vous avez une grande capacité à vous approprier les textes et à les interpréter, à les faire rayonner aussi, comme on l'a d'ailleurs entendu à l'instant. Et vous dites parfois qu'il y a dans la lecture, dans toute lecture, un double mouvement, un mouvement à la fois de découverte de soi, et en même temps, un mouvement de perte de soi, de dédoublement, de démultiplication, de dissémination de soi. Et donc, j'avais envie de vous demander tout bêtement, après avoir entendu votre propre texte retentir par la voix de Carole Bouquet, comment vous aviez entendu ces choses-là, et si vous aviez un sentiment plutôt de retrouvailles avec vous-même, ou de perte de vous-même, de dissémination. Je n'ai pas un sentiment de perte, de dissémination. C'est très émouvant d'entendre ces textes, d'autant plus que Carole Bouquet a ajouté un poème d'Antonin Artaud et un poème de Marina Svetieva. Disons que peut-être d'une certaine façon, c'est un sentiment qu'on éprouve souvent, c'est qu'on a l'impression que le texte ne vous appartient plus et qu'il trouve une sorte de réincarnation presque. Et peut-être que là où je me suis retrouvée un petit peu sur le même plan que Carole Bouquet, c'est quand elle a lu le passage concernant Marina Svetieva, parce que je crois que nous partageons cette même passion pour ce grand poète. Peut-être qu'elle a su donner, interpréter tout le tragique qui se dessine dans le destin de Marina Svetieva. Et alors, au cœur de tout ce tragique dont vous parlez, il y a justement un sentiment de perte, et qui n'est pas que négatif. Le motif de la perte court tout au long des textes qu'on a entendus, et évidemment à travers celui de l'exil. Il faut rappeler pour celles et ceux qui ne le savent pas dans cette salle que vous-même, Linda Lay, vous êtes née au Vietnam, que vous êtes arrivée en France quand vous aviez 14 ans, que d'abord avec votre mère. Vous avez d'abord été dans une cité de transit au Havre, et puis vous avez obtenu une bourse et vous avez fait des études littéraires, et notamment une classe préparatoire au lycée Henri IV. Et depuis le début de votre itinéraire littéraire et d'écriture, vous n'avez cessé de revenir sur ce motif de l'exil en affirmant que finalement un écrivain, c'était toujours quelqu'un qui savait partir, qui doit savoir partir ailleurs, qui doit savoir se perdre justement, se méfier des assises, et qui ne peut écrire qu'en se sentant perpétuellement une sorte d'enfant trouvé, de bâtard, de fils de personne, de heimatlos, de sans patrie dont on parlait tout à l'heure. Et vous savez, il y a cette formule célèbre de Kundera qui dit qu'un Européen, c'est quelqu'un qui a la nostalgie de l'Europe. Je me demandais si chez vous, il n'y avait pas l'idée qu'un écrivain, c'était d'abord quelqu'un qui avait la nostalgie, non pas de la patrie, mais du déracinement. C'est vrai que j'ai toujours éprouvé et le livre dont Carole Bouquet a lu des extraits traite justement de ce sentiment, c'est-à-dire de la nécessité presque du déracinement et d'une certaine méfiance aussi contre le trop grand enracinement. J'ai écrit peut-être plus sur ce sentiment de perte et de deuil qui est à l'origine de tout travail littéraire et surtout du mien. Oui, il y a cette nécessité de larguer toujours les amarres et de partir vers des ailleurs. Et dans mon cas, c'est beaucoup à travers la littérature que j'ai pu un peu planter ma tente et mon écritoire ailleurs. Avec cette idée très belle que finalement la seule patrie, c'est la langue. Hein. On a entendu la formule de Sioran qui a retenti par la bouche de Carole Bouquet, on n'habite pas un pays, on habite une langue. Et cette idée, on la retrouve chez beaucoup d'autres écrivains, beaucoup d'autres penseurs, hein, chez Hannah Arendt, qui elle-même est une grande figure de l'exil, et qui faisait de la langue son seul refuge, des exilés eux-mêmes, une sorte d'avant-garde de la condition humaine. Et finalement, cette idée que voilà, la langue est la seule demeure, et que quelque part, quand la langue est manipulée, quand on commence à la truquer, à l'intoxiquer, à la faire mentir, c'est là que on se trouve presque expulsé de chez soi et qu'on n'est plus chez nous. Non, c'est très juste parce que je pensais à ce magnifique texte de Klemperer justement auquel vous pensez vous-même en parlant du fait qu'on, quand on manipule la langue, quand on et peut-être que en ce moment même. Nous pensons tous au fait que dans l'actualité, on ne peut pas revenir au texte sans songer au fait qu'il y a une nécessité à revenir au texte et à revenir au livre, et non pas comme un refuge, mais comme une manière de... comme une manière de former un îlot de résistance et comme une arme. Dans Par ailleurs exil, je dis à un moment que écrire, c'est aussi s'exiler vers des ailleurs pour mieux revenir vers soi. Et d'une certaine façon, c'est ce mouvement qui est toujours entre l'exil, le départ, le grand départ, le mouvement qui consiste à prendre le large et puis revenir vers soi, mais tout en évitant le repliement sur soi. Et je crois que la littérature est toujours là pour nous aider à éviter ce danger, notamment. Et alors, vous-même, dans votre propre trajectoire, ce sentiment d'étrangeté, il a été permanent. C'est-à-dire que quand vous étiez au Vietnam, comme vous héritiez de votre mère un rapport très fort à la langue française, et donc au français, vous vous sentiez étrangère au Vietnam. Quand vous êtes arrivée en France, évidemment, vous vous êtes sentie étrangère comme vietnamienne en France. Et vous avez là-dessus de très beaux passages en disant que vous avez finalement transformé votre solitude en énergie littéraire, et que vous avez dû tuer le mandarin en vous-même. Pour écrire, il m'a fallu tuer la langue maternelle. Avec cette idée, bien sûr, qu'il y a toujours plusieurs rapports d'intimité ou plusieurs types d'intimité avec une langue, et qu'il n'est pas du tout certain qu'on écrive mieux dans sa langue maternelle. Et de ce point de vue, vous rejoignez, et je crois qu'on en avait parlé avec Julia Kristeva, cette idée absolument superbe de Derrida quand il dit « Je n'ai qu'une seule langue et ça n'est pas la mienne. Une langue, ça n'appartient pas. Et finalement, il n'y a pas de langue plus étrangère que la langue maternelle. Je n'ai qu'une seule langue et ça n'est pas la mienne. » Oui, et avant lui, c'est Pessoa qui disait « Je n'écris pas en portugais, je m'écris moi. » C'est cette idée d'une langue à trouver, une langue à inventer au sein de la langue, qui est une langue d'adoption, par exemple, et cette espèce de volonté de réinventer la langue au sein d'une autre langue je perds le fil de ce que je disais. Qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire pour vous, tuer la langue maternelle, finalement? Comment ça s'est passé? J'ai fait le deuil de ma langue maternelle à un moment, oui. Je l'ai appelé de manière ironique « tuer le mandarin ». C'est une façon, à un moment, là encore, de prendre peut-être une distance vis-à-vis de moi-même. À un moment donné, peut-être que je me suis sentie projetée complètement dans l'exil et j'ai rompu les amarres de telle façon qu'il n'y avait plus de retour possible. Et si j'ai beaucoup écrit sur le deuil et la perte, je crois avoir aussi écrit sur l'impossible retour aussi. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand vous étiez petite, vous racontez qu'il y a eu, après la chute de Saigon, un agent de purification culturelle qui est venu chez vous, qui a voulu en finir avec tous les livres étrangers, et notamment avec les livres de Victor Hugo, que vous aimiez beaucoup, qui ont apparemment décidé de votre vocation littéraire. À l'époque, vous vous identifiez à Jean Valjean. Pourquoi ? Parce que j'avais une propension à vouloir être une espèce de sauveur. Mais je dois dire que le livre qui, en fait, a en quelque sorte déterminé ma vocation et qui m'a donné envie d'écrire à mon tour, même si à l'époque j'étais trop jeune pour le comprendre vraiment, c'était L'homme qui rit, beaucoup plus que Les Misérables. L'homme qui rit, comme on sait, il a une postérité littéraire assez extraordinaire et ce livre m'a fascinée d'emblée et a donné véritablement l'envie de me dire qu'un jour j'oserais. Et alors, oser non seulement écrire en français, mais même peut-être écrire mieux en français que ceux dont le français est la langue maternelle. Tout à l'heure, on a entendu ce passage sur Suran où Vous parlez de la superstition du bon usage chez Sioran et c'est ce souci de surpasser l'indigène. Et là, à nouveau, je pensais à Derrida quand il parlait lui-même de sa passion du français pur. C'est-à-dire à la fois l'idée que la langue n'appartient pas, qu'il se sent un métèque franco-algérien, et en même temps, l'idée que pour lui, vraiment, l'accent, lui était, il ne supportait pas les accents, une passion pour le français pur. Et cette idée qu'il prétendait, tout en étant un métèque du concept, etc., être, je le cite, le dernier défenseur et illustrateur de la langue française. Donc ce va-et-vient comme ça entre un sentiment de déracinement, d'exil et d'étrangeté par rapport à une langue qui n'est pas la langue maternelle, et en même temps l'envie, le désir de la posséder pleinement et d'être peut-être même plus en possession de cette langue que ceux dont elle est la mère. D'une certaine façon, oui, il y a cette espèce de démesure. C'est Sioran qui en parle très bien, justement, quand il dit que, quand il parle de cette envie de surpasser l'indigène. Mais Sioran disait aussi combien le rapport au français était difficile pour lui, parce que le français était pour lui une langue qui n'était pas faite pour le tempérament balkanique qu'il avait. Et peut-être que d'une certaine manière, le français correspond mieux au tempérament qui est le mien, qui est moins, peut-être, en apparence du moins, moins éruptif que celui de Sioran. Et une des choses qui m'ont toujours passionnée aussi, c'était de rendre hommage à des écrivains, justement, comme Sioran ou d'autres, comme Gerasim Luca, qui se trouve être roumain aussi, ou Benjamin Fondan, qui ont été des Roumains ayant adopté le français et ayant écrit, Gerasim Luca écrivant dans une langue extrêmement inventive, rompant complètement avec la tradition du français, du beau français, Benjamin Fondan écrivant dans une langue, dans un français qui est, très... poignant, sans aucun pathos. Il écrivait beaucoup, notamment dans Le mal des fantômes, ses poèmes, il écrivait beaucoup sur le sentiment de l'amertume d'être en exil. Et il se trouve que, justement, j'aime beaucoup les textes d'hommage parce que j'ai découvert Benjamin Fondan grâce à Sioran, qui lui rendait hommage. Donc, Vous pensez qu'il y a chez vous aussi un désir de surpasser l'indigène, comme vous disiez, c'est-à-dire l'idée de d'être l'illustratrice ultime de la langue française. Il y a une incandescence. Là, on a le texte qui a été lu ce soir est un texte de méditation littéraire. C'est un essai, mais il y a dans vos romans un souffle, un rythme et quelque chose de très dur, un temps d'extrêmement beau, qui pourrait donner à penser justement ce que vous dites là, c'est-à-dire l'idée de réinventer le français et d'inventer un français qui serait, d'un point de vue presque fantasmatique ou du désir, le français pur dont parlait Derrida. Oui, en tout cas, de rompre avec aussi une certaine idée qu'on se fait du beau français. Peut-être que c'est peut-être le piège dans lequel on risque de toujours tomber quand on adopte une langue, c'est de le respecter dans sa trop grande pureté. Et il y a toujours peut-être une envie, quelque sorte, de semer la zizanie et de provoquer justement des ruptures dans cette langue. Alors vous parliez de semer la zizanie, il y a aussi... dans vos textes, à l'horizon, en permanence, une sorte de rapport à la folie, au langage comme folie, à l'écriture comme transgression, comme passage de la limite. Et on entendait Artaud tout à l'heure, « Ma déraison lucide ne redoute pas le chaos ». Vous-même... « Couteau que je n'oublie pas », dit-il en plus. Voilà, c'est ça. Vous-même, Indalé, vous avez écrit là-dessus, donc c'est pas un secret. Vous avez traversé des crises graves de ce point de vue, et vous dites que la voix vous est revenue peu à peu en entendant la parole des autres. C'est la déraison qui m'a fait retrouver la raison, retrouver un discours continu là où je n'entendais plus que des éclats de voix. Et de ce point de vue, je voulais moi à mon tour lire un tout petit texte qui m'a fait beaucoup penser à vous. Un texte de Foucault, cette fois, où justement il met la folie comme horizon permanent de la littérature. Dans un monde où Dieu est mort définitivement, et où on sait, malgré toutes les promesses de droite et de gauche, qu'on ne sera pas heureux, le langage est notre seule ressource, notre seule source. Il nous révèle au creux même de nos mémoires. Et sous chacune de nos paroles, sous chacune de ces paroles qui galopent à travers notre tête, ce qu'il nous révèle, c'est la majestueuse liberté d'être fou. Et c'est peut-être pour cela que l'expérience de la folie, dans notre civilisation, est singulièrement aiguë et qu'elle forme, en quelque sorte, la limite forestière de notre littérature. Et j'avais vraiment envie de vous demander si vous-même, tous vos romans ne rôdaient pas comme ça autour de cette limite forestière de la littérature. De cette liberté, oui, en tout cas. Quand il parle de cette grande liberté d'être dans la déraison. Mais je dois avouer aussi que peut-être faut-il n'avoir aucun romantisme de la folie et savoir que ce sont dans les moments de grande lucidité et de retour sur soi que peuvent se créer de véritables œuvres. Et ce ne sont pas dans des moments de désordre. Michaud en parle très bien dans les grandes épreuves de l'esprit. Il décrit très bien tous ces mécanismes. Et d'une certaine façon, ce qui m'a sauvé toujours, c'est de savoir qu'il y a un horizon qui s'appelle littérature, en fait. Et alors, cet horizon, pour vous, il n'est pas toujours extrêmement joyeux dans vos textes. Vous dites toute préparation, toute écriture est une préparation au néant. Je ne conçois pas la beauté sans qu'il y ait du malheur. Vous citez Baudelaire. Il y a en permanence, sous votre plume, une face noire. Hein, et une sorte de sentiment d'étouffement, comme ça, d'ironie morbide, un nihilisme ravageur aussi, parfois. Et en même temps, c'est ça qui est très paradoxal, c'est qu'en même temps, il y a un rapport très fort à la transmission. Vous avez fait ce livre qui s'appelle « À l'enfant que je n'aurai pas », qui est un très beau texte, une lettre ouverte, une lettre comme ça à l'enfant que vous n'aurez jamais. Et on sent bien dans votre rapport à l'écriture qu'il y a en même temps, à l'horizon, effectivement, la folie, la déraison, parfois quelque chose d'extrêmement morbide, et en même temps toujours un rapport très fort à la transmission et à l'idée que chaque livre, chaque texte va accoucher d'un autre. Oui, c'est vrai. Il y a un très fort lien à la transmission. Mais je pense que il n'y a pas de morbidité réellement dans les textes. Il y a quelque chose qui a un rapport très fort, c'est certain, avec la mort, avec le néant. Mais qui n'a pas réfléchi à un moment ou à un autre, aux fins dernières là, Et de l'autre côté, oui, ce qui me passionne toujours, c'est le lien qui se transmet d'un texte à un autre, cette idée de la transmission et du fait qu'un texte en génère toujours un autre. Et que c'est dans cette espèce de généalogie spirituelle que se trouve en quelque sorte le salut. Et vous savez, quand vous parlez de vos tâtonnements littéraires, vous parlez d'essais de voix, comme si vous faisiez des essais de voix. Et vous avez écrit vous-même un livre qui s'appelle Voix, et ce qui justifie encore plus votre place ici ce soir dans ce cycle Voix de femme. Et ça, il y a cette formule de Barthes dans le journal de deuil qu'il a consacré à sa mère, où il dit « Chacun son rythme de chagrin ». Et vous, quand vous avez écrit « Voix », vous avez dit « Bon, voilà, je suis passé à un autre moment. Je suis passé à un moment moins dur, moins du côté de l'anathème, de l'imprécation. Je suis passé à autre chose, un peu plus serein, ou en tout cas plus doux. Hein, » Vous avez dit « Il y a plus de douceur dans la tristesse. » La tristesse est toujours là, mais elle est moins du côté de l'imprécation, elle est plus du côté de la tristesse. Comme si, en fait, chaque fois, vous passiez à un rythme de chagrin différent. Je crois aussi que peut-être il y avait une volonté aussi de... Vous parliez tout à l'heure d'essai de voix. Il y avait une volonté de changer de tessiture aussi. Il y a eu, c'est vrai, une période où j'écrivais des textes un petit peu qui étaient de l'ordre de l'imprécation. Et puis, ensuite sont venus des textes où c'était plus nuancé, plus varié. Et j'ai toujours tendu à cela. C'était d'être, pour citer un mot fameux, d'être une sorte de galérienne de la nuance. Très bien. Mais écoutez, je crois que c'est sur cette idée d'essai de voix et de galère nuancée que nous allons conclure cet entretien. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Merci beaucoup Aline Dallet. Merci à toutes et à tous. On se retrouve bientôt ici sur cette scène de l'Odéon. Merci beaucoup. C'était Voix de femme, Aline Dallet, Carole Bouquet. Une manifestation proposée par France Culture, l'Odéon Théâtre de l'Europe et le Monde des Livres. Jean Birnbaum, rédacteur en chef du Monde des Livres, s'entretenait avec Aline Dallet. Carole Bouquet lisait des extraits de Par ailleurs, Exil, de Aline Dallet, livre paru aux éditions Bourgois. Remerciements à Pascal Bramy et aux équipes de l'Odéon Théâtre de l'Europe. Remerciements à Caroline Wasana, conseillère littéraire, service des fictions France Culture. Équipe de réalisation pour France Culture, Pierre Quintard, Marie Le Peintre, Louise Loubrieux, Baptiste Guiton et Blandine Masson. Antonin Artaud est un compagnon de route de Aline Dallet et on a entendu dans son livre, Par ailleurs Exil, comment elle salue en lui l'exilé perpétuel. Carole Bouquet s'est faite l'interprète d'Artaud en 2012 à travers un spectacle, Lettre à Génica, que nous avions enregistré au théâtre de la Criée à Marseille. Génica Athanasiou est une jeune femme très belle, née en 1897 à Bucarest, dont Antonin Artaud tomba follement amoureux. Il la rencontre à l'automne 1921. Elle est la première femme de sa vie, celle avec laquelle il partage une existence quotidienne, comme le révèle cette correspondance. Une correspondance qui s'étend de 1922 à 1927. Antonin Artaud et Génica Athanasiou s'étaient rencontrés dans la troupe de Charles Dullin, où Génica était entrée comme élève. Je vous propose d'écouter en nouvelle diffusion les lettres à Génica par Carole Bouquet.